Alors, salut tout le monde, bienvenue à l'Accroche-Oreille, édition du 28 mai 2017. Pour vous le rappeler, l'Accroche-Oreille, c'est l'émission entièrement dédiée aux sonorités nouvelles et tout à fait imprévisibles. Alors, ce soir, c'est la dernière de la saison hiver-printemps 2017. Alors, j'ai pensé vous proposer quelques-uns de mes coups de cœur sonores des derniers mois, une série de créations publiées sur des étiquettes, les étiquettes entre autres Ambiance Magnétique et Coolin Stuff Records. Alors, on démarre immédiatement avec une pièce de Félix-Antoine Morin intitulée Le Château des Cordes. Félix-Antoine Morin a étudié les arts visuels à l'UQAM et la composition électroacoustique au Conservatoire de Montréal. Il affectionne le rendu lyrique évocateur de la matière sonore puisque, nous dit-il, et là j'ouvre les guillemets, il nous dit l'expérience d'écoute aspire à une traversée de paysages, d'images et de croisements poétiques. Alors, on écoute Félix-Antoine Morin, le Château des Cordes. Alors, on vient d'entendre un extrait de Le Château des Cordes de Félix-Antoine Morin. On poursuit avec Greg Dixon, qui est un Texan. C'est un professeur de musique qui enseigne l'ingénierie audio. Sa recherche sonore se concentre sur les systèmes de sonorité interactive. Ses œuvres, on peut dire qu'elles explorent une grande variété de matériaux, des univers sociaux, des univers culturels. C'est une approche, vous allez voir, qui est assez autobiographique. On va y aller avec cette pièce qui s'intitule Disconnect. C'est tiré de l'album Cedar Forest. Alors, on écoute Greg Dixon. Thank you. this discussion about the health care plan today, Ingrid. To disconnect, press star. OK. C'est un silence? On est prêt? C'est good? OK? OK. Alors, on vient d'entendre Greg Dixon, le Texan, avec une pièce qui s'intitulait « Disconnect ». Vous êtes à la croche-oreille sur 89,1 CKRL. On poursuit avec maintenant une artiste montréalaise qui s'appelle Lynn Cacho. Elle s'intéresse, Lynn, au son en tant que matière cinétique représentative de mouvement, de force, de gestualité. Il s'agit d'une approche expérimentale assez sensible au jeu perceptif. Ses travaux acousmatiques et électroacoustiques de musique concrète, par ailleurs, ont été diffusés dans le cadre de nombreux festivals internationaux. On écoute une pièce intitulée « Aiguillage » et c'est tiré de l'album « Pulsion » publié sur Coolin' Stuff Records. Alors, on vient d'entendre Aiguillage de Lynn Catcho, et puis on enchaîne avec une pièce qui s'intitule Frissonneur de nuit. Quel beau titre! C'est une composition, une création de l'artiste Ida Toninato. C'est tiré d'un album intitulé Strangeness is Gratitude. Ida Toninato est une saxophoniste montréalaise qui propose un travail sonore d'avant-garde. C'est un travail qui est particulièrement inspiré, et vous allez voir, très inspirant. Elle a collaboré avec des groupes de prestige, La La La Human Step, l'ensemble Super Musique. Elle a travaillé avec Jean-François Laporte. Alors on écoute Frissonneur de nuit, Ida Toninato. Alors, on vient d'entendre le frissonneur de nuit d'Ida Toninato. On va maintenant enchaîner avec Émilie Girard-Charret. C'est une violoncelliste performeuse, improvisatrice, compositrice d'avant-garde. Elle aussi, elle a fait des études classiques en musique et s'intéresse au phénomène des microtonalités. Elle a fait des projets avec le monde du théâtre, de la danse et de la performance. Émilie Girard-Charret nous propose une pièce qui s'intitule Altered Grey. C'est tiré de l'album intitulé Émilie préfère le chant. C'est publié chez Cool & Stuff en 2016. Alors on écoute cette pièce, Le Gris Altéré. Alors voilà, on vient d'entendre Émilie Girard-Charret et on enchaîne avec Joanne Etu. Joanne Etu qui lançait un album, un tout dernier album qui s'intitule Famille. C'est le titre d'une série d'improvisations sonores de la compositrice et musicienne Joanne Etu qui paraît sur l'étiquette Indépendance Ambiance Magnétique. Compositrice, vocaliste, saxophoniste. Joanne Etu occupe la scène des arts sonores du Québec depuis une trentaine d'années. C'est une figure, on peut le dire, là, vraiment emblématique de la vigueur des arts sonores d'ici. Alors, on écoute une pièce. C'est la pièce numéro 1 de l'album. Ça s'intitule Pierre-Yves Melançon. Alors, on écoute Joanne Etu, tirée de l'album Famille. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre une pièce de Joanne Etu, tirée de l'album Famille. Je vous rappelle qu'on est sur les ondes de CKRL 89,1. Vous écoutez La Croche-Oreille, c'est l'émission qui est entièrement dédiée aux sonorités imprévisibles, aux sonorités nouvelles, aux sonorités expérimentales. Et ce soir, c'est une soirée coup de cœur. C'est la dernière de la saison hiver-automne 2017. Alors, je poursuis avec Asie-Montagne Mystique. C'est le projet sonore et mystérieux de Chittagong Bakam. Il est membre du collectif Jeunesse Cosmique et fondateur du groupe tribal Les Ghosts of Ghazal ou Les Ghosts of Ghazal, vous me pardonnez. Alors, on dit de la musique de Asie-Montagne Mystique que c'est un son qui lui traverse la tête pour prendre forme en image invisible. Il dit « Mon univers sonore se définit comme la musique des étoiles, du pastoral, le psyché, l'outside, solitude et son d'espoir. » On écoute une pièce intitulée « Solar Lights » Autumnal Cry, c'est tiré de l'album Thème 3, et là je mets deux points, étude de la noirceur, le schéma d'une boussole. Alors on écoute Asie-Montagne Mystique, étude de la noirceur. Thank you. Alors, on vient d'entendre Asie, Montagne Mystique, une pièce qui s'intitule Solar Lights Autumnal Cry. Et on enchaîne avec le collectif Nous perçons les oreilles. C'est deux saxophones, deux voix, deux gargouilles, deux satyres. Il s'agit de Jean de Rome et de Johan Etu qui forment l'ensemble Nous perçons les oreilles. C'est un ensemble, cet ensemble de duo nous propose depuis, je dirais, une vingtaine d'années des sonorités qui grincent, qui chuintent. Vous allez l'entendre, des sonorités qui rugissent en une belle poésie phonétique, poésie sonore. Leur dernier album s'intitule Un idéal et on écoute une pièce intitulée Résonance. C'est paru en 2016 sur étiquette Ambiance Magnétique. Yeah. Alors, on vient d'entendre le duo « Nous perçons les oreilles », un duo formé de Jean de Rome et de Johan Etu, un album qui s'intitule « Un idéal ». On enchaîne avec une pièce de Maxime Corbeil-Perron, qui est un compositeur et un artiste multidisciplinaire. C'est un gars de Montréal qui propose un univers sonore qu'on qualifie d'abstrait, mais qui est très dynamique, qui est spirituel et vraiment poétique. Il a collaboré avec de nombreux musiciens, artistes sonores, dont Félix-Antoine Morin, qu'on entendait en début d'émission, Sylvain Gagné, Marie-Chantal Leclerc, Jean-François Laporte du groupe Totem. Alors, on écoute un magnifique triptyque qui est tiré de l'album qui s'intitule « Territoire de cendres ». Et c'est les parties 1, 2 et 3 de la suite Fukushima d'Aichi. Alors on écoute cette pièce de Maxime Corbeil-Perron. Alors, c'était une pièce de Maxime Corbeil-Perron qui s'intitule. C'est la suite Fukushima Daiichi. C'est sur l'album Territoire de Centre. C'est les parties 1, 2 et 3. Alors, voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir et pour cette saison 2017, hiver-printemps. Alors, je vous invite à consulter le site web de la croche-oreille. C'est lacrocheoreille.wordpress.com. Vous allez y retrouver la liste des pièces présenté ce soir, ainsi que l'écoute en balado-diffusion de tout ce qui a été proposé depuis janvier. Alors évidemment que j'en profite pour remercier l'équipe d'Avatar, Avatar qui soutient cette émission, et je pense tout particulièrement à Caroline, à Julie, Marion et Nathalie. Je veux aussi remercier le soutien de l'équipe de CKRL, notamment Simon Roy, qui est toujours là pour nous épauler sur le plan technique, et Tania qui est là et qui nous écoute. Alors, je veux aussi remercier tous les artistes et les créateurs sonores qui ont rendu cette émission possible. Alors, pour compléter la soirée, je vous propose une pièce d'Émilie Payeur, qui est une artiste sonore, une musicienne, une artiste visuelle qui puise son inspiration dans l'art abstrait, dans le courant psychédélique des années 60. Elle dit même le surréalisme ainsi que le cinéma expérimental. Alors, l'exploration de la plasticité de la matière sonore est au cœur de sa création. C'est ce qu'on peut lire sur la pochette de l'album. Et je vous propose d'écouter Kissing Hitler. C'est tiré de l'album Deadline. C'est publié chez Cool & Stuff en 2016. On dit de sa création à Émilie Payeur qu'elle alterne entre le noise nerveux et le minimalisme hypnotisant. Alors, voilà, je vous invite à être des nôtres. Soyez attentifs aux sonorités autour de nous, puis en attendant, on écoute Émilie Payeur, et puis je vous souhaite un bel été. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface, she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood and had 12 sets of foster parents, leading her to say in her last interview that she was never used to being happy, so it wasn't something she ever took for granted. She never let her personal feelings interfere with her job, and she was the idol of the GIs, the animation of foxhole dreams. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.